What a blessing to be alive. Quelle est une bénédiction d'être en vie. That we can be alive today. Que nous pouvons être vivants aujourd'hui. This is the dispensation. Aujourd'hui, c'est la dispensation. That when the prophets and the apostles of the Bible. Que les prophètes et les apôtres de la Bible. In the days of old. Dans les anciens jours. When they saw the visions. Quand ils ont vu les visions. When the Lord conversationed with them. Quand il avait une conversation avec eux. About this dispensation. À propos de cette dispensation. They wept. Ils ont pleuré. They cried. Ils ont crié. And they said. Et ils ont dit. That will be. Cela sera. A dispensation of power. La dispensation de l'heure. And they wished. Et ils voulaient, ils désiraient. They said, oh, how I wish. Oh, comment je désire. That I could live to see that dispensation. Que je puisse vivre et voir cette dispensation. And that's why. Et c'est pour cela. It is a privilege. Que c'est un privilège. That we can live to see this dispensation. Que nous puissions vivre cette dispensation. Because parce que this is the dispensation, car cette dispensation that prepares the way, qui prépare le chemin for the coming of the Messiah, pour le retour du Messie. Hallelujah. Alléluia. That is awesome. Ça c'est parfait. That is mighty. Ça c'est puissant. That is a treasure. Ça c'est un trésor. That is being the elect. Ça c'est être des élus. Because parce que only the Lord can elect you to live now to prepare the way. Seulement Dieu peut te choisir comme élu pour préparer le chemin. In other words, dans d'autres mots, this is the dispensation. Ceci est la dispensation that receives the Messiah. Qui reçoit le Messie. You are the dispensation. Vous êtes la dispensation. You are the generation. Vous êtes la génération. That they saw in the Bible. Qu'ils ont vu dans la Bible. Now, I want to discuss the glory of the Lord. Je veux parler de la gloire de Dieu. When the cloud came down. Quand les nuages ont descendu. The cloud of the glory of the Lord. Quand la nuée a descendu. And I gave that prophecy. Et j'ai donné cette prophétie. Live on radio. En direct à la radio. I gave live and I said. J'ai dit en direct. That when the Lord brings me to the meeting in Kisumu. Quand Dieu m'amène au à la réunion à Kisumu. That the glory of the Lord will come. Que la gloire de l'Éternel viendra. That heaven would open. Que le ciel va s'ouvrir. And then the cloud. Et que la nuée would come down, va venir en bas, and in waves, et qui waves, va bouger. And I gave that prophecy on November 21st. Et j'ai donné cette prophétie le 21 février. The year 2012. En 2012. And then I also gave another prophecy on December 26th. Et j'ai donné une autre prophétie le 26 décembre. And the meeting would take place December 31st. January 1st. Et la réunion passait le 31 décembre, le 1er janvier. So you see, I kept speaking about this visitation. Et j'ai commencé à parler de cette visitation. And so today, before I discuss the garment. Aujourd'hui, avant que je parle du vêtement. I think it's very critical that I discuss with you the cloud of the glory of the Lord. C'est très critique que je vous parle de la nuée de la gloire de Dieu. So it's very important. C'est très important. That I discuss the cloud of the glory of the Lord. Que je discute de la nuée de la gloire de Dieu. Because that is the newest message. Parce que ça c'est un nouveau message. To bring it to you. Pour amener ici. And to explain to you. Et que je vous l'explique. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? To the church. Pour l'église. Hallelujah. Hallelujah. How beautiful a dispensation. Que cela est très beau pour une dispensation. What a mighty dispensation. Quelle dispensation puissante. I gave the prophecy November 21st. J'ai donné la prophétie le 21 novembre. And I gave another one on December 26th. Et j'ai donné une autre le 26 décembre. Live on radio globally. Directement sur la radio globalement. And I said. Et j'ai dit. That the Lord is coming to visit the earth. Que le Seigneur vient visiter la terre. In a manner never before. Que cela ne s'est jamais produit avant. In a way that only happened during the time of Moses. Que cela s'est passé seulement durant le temps de Moïse. He is coming to visit again. Il vient encore visiter. And I said, et j'ai dit, that when the Lord brings me to the altar, et quand Dieu m'amène sur l'autel, the glory will come, la gloire viendra, and will stand before the servant of the Lord, et il va être devant, debout devant le serviteur de l'Éternel, before the altar, devant l'autel. I said like that, je l'ai dit comme cela, and it's a tremendous thing to say that, et c'est une grande chose à dire. It's very tremendous to say that. C'est très puissant pour dire cela. In this day and age. Dans cette génération, dans cette jour. It's very tremendous to say that. C'était très puissant. To come before people. Pour devenir devant les gens. On a global radio. People are listening across the US, Australia, Europe, everywhere. Sur un radio global où tout le monde m'écoute de l'Europe, de l'Australie. And to tell them. Pour leur dire. That on that day when I go to the meeting of the Lord, comme ce jour quand je vais aller à la réunion de Dieu, the cloud of the glory of God, la nuée de la gloire de l'Éternel, is going to come in waves, et qui va venir et bouger, and to tell them, et pour leur dire, it did not happen, que cela ne s'est pas passé, except during the time of Moses, que seulement dans le temps de Moïse. People wondered. Les personnes se demandaient, how is this going to happen? Comment cela va se passer? And I gave two prophecies. Et j'ai donné deux prophéties. I said the other one. J'ai dit l'autre prophétie. The one on 26th December. Le celui du 26 décembre. I said. J'ai dit. He is also coming to open heaven. Et qui va venir aussi ouvrir le ciel. And the glory of God. Et la gloire de Dieu. Is going to come right from inside heaven. Et qui va venir droit et directement de cieux. And come down in a straight line like this. Et qui va être une ligne directe comme ceci. And I called it the column. Et ils appellent cela une colonne. The column of the glory of God. La colonne de la gloire de l'Éternel. And I said it is going to beam on the meeting, right from the meeting into heaven. Que cela va être sur les réunions, sur l'autel, depuis les cieux directement. And when the meeting took place, et quand la réunion a eu lieu, on December 31st, le 31 décembre, those two tremendous visitations took place. Ces deux puissantes manifestations ont eu lieu. I want to bring you, je veux vous amener, to the understanding, pour la compréhension. I would do a great disservice. Je vais faire un grand service. I would do a lot of violence to the Bible. Je vais faire beaucoup de violence avec la Bible. If I did not teach you this. Si je ne vous enseigne pas ceci. This is extremely key. Ça c'est extrêmement la clé importante. What is the meaning of this? Qu'est-ce que cela veut dire? What is the meaning of this visitation? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette visitation veut dire? Why should the Lord visit like this? Pourquoi le Seigneur doit nous visiter comme cela? What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? Now listen, precious people. Maintenant, écoutez, précieux peuple. You are blessed to be here. Vous êtes bénis d'être ici. To be listening to this. Pour écouter cela. What is the message of the Lord? Quel est le message de Dieu? To the church. Pour l'église. Is the Lord showing us a movie? Est-ce que le Seigneur nous montre un film? A film? Est-ce qu'il nous montre un film? I don't think so. Je ne pense pas. Every time the Lord makes a move. Chaque fois que Dieu fait un mouvement. There is a particular purpose. Il y a un but particulier. For that move. Pour ce mouvement. Hallelujah. Hallelujah. Now listen, precious people. Précieux peuple, écoutez-moi. I am going to begin step by step. Je vais commencer étape par étape. And it's amazing that this becomes more of a teaching. C'est stupéfait que cela va devenir un enseignement. But we bless the Lord for this. Mais nous bénissons le Seigneur pour cela. Step by step. Étape par étape. Hallelujah. Hallelujah. So turn with me to the book of Exodus chapter 3. Que vous puissiez tourner avec moi dans le livre Esdras chapitre 3. Exodus chapter 3 verse 5. Exode chapitre 3 verset 5. Once you reach there, you say amen. Quand vous allez être là-bas, vous allez dire amen. Exodus chapter 3 verse 5. Exode chapitre 3 verset 5. He says, "Do not come any closer." God said, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. And I said, et il dit, I want to go step by step. Je veux aller étape par étape. That you may fully understand this. Que vous puissiez comprendre ceci. He says, il dit, don't come any closer. Ne t'approche pas. For the place where you stand, car le lieu où tu te tiens, is holy ground. Est une terre sainte. And he says, et il dit, take off your sandals. Enlève tes sandales. Hallelujah. Hallelujah. When Moses, quand Moïse, the man of God, l'homme de Dieu, encountered the glory of the Lord, a vu la gloire, a rencontré la gloire de Dieu, this glory, cette gloire, comes in the following forms. Vient dans cette forme. This glory, cette gloire, can come as fire, we are going to see, can come as fire in the night. Peut venir comme du feu durant la nuit. Fire. Le feu can come as bright light of glory, bright. Et peut venir comme une lumière droite. When Saul, quand Saul, before he became Paul, avant qu'il devienne Paul, when he encountered this glory, quand il a rencontré cette gloire, when Saul, when, quand Saul encountered this glory, a rencontré cette gloire, the glory came as light. La gloire est venue comme la lumière. And he said, my Lord, my Lord. Et il a dit, mon Seigneur, and he said, why do you persecute me? Pourquoi tu me persécutes? He spoke from that glory. Il a parlé de cette gloire. He spoke. Il a parlé à travers cette gloire. From inside the glory. De l'intérieur de cette gloire. I am going to take you also to a place where the Israelites, je vais aussi vous amener dans un lieu où les Israélites, encounter this cloud, ont rencontré cette nuée, and by day, et pendant le jour, the cloud, la nuée, by night, dans la nuit, the fire, le feu. But as I take you step by step, je vais vous amener étape par étape, we are going to see the message. Nous allons voir le message. Hallelujah. Hallelujah. We are going to get the message. What is then the message for the church? Quel est le message pour l'église? First of all, premièrement, right away we see, tout de suite nous allons voir, that whenever this glory appears, tout le moment que cette gloire apparaît, he says, il dit, behold, et sois éveillé, holy ground, la terre est sainte. Today is today. Aujourd'hui, c'est le jour J. Today, the Lord has met the church in Europe. They have met. Aujourd'hui, Dieu a rencontré l'église en Europe. And when the Lord meets the church, quand Dieu rencontre l'église, the truth must be spoken. La vérité doit être parlée. In other words, he's saying, dans d'autres mots, il dit, look, voyez, he's saying, il dit, that because the glory has come to the house, parce que la gloire est venue dans la maison, behold, soyez éveillés, now the house of the Lord, le temps maintenant, la maison de l'Éternel, has become holy ground, est devenue la terre sainte. Oh yes. Oh oui. Nobody hears me. He's saying, il dit, let me repeat it. Laisse-moi répéter. He said, hey, don't move any closer. Hey, ne t'approche pas. And he says, behold, where you are standing, hey, sois éveillé là où tu te tiens, is holy ground now. C'est saint, la terre sainte. Listen. Écoutez. If you go to Egypt, si vous allez en Égypte, where Moses was shepherding the sheep, où Moïse y pétrait les brebis. Very good. The sheep of Jethro. Les brebis de Jethro. His father-in-law. Son beau-père. That was just a normal place. Ça, c'était un lieu normal. It was a place like somewhere there. C'est un lieu comme là-bas à l'extérieur. A normal place. Un lieu normal. But when the Lord decided to come and visit Moses. Mais quand Dieu est venu visiter Moïse. When the Lord came to visit. Quand Dieu est venu visiter. When that glory descended. Quand la gloire est descendue, that place, le lieu, which was just a normal place, qui était un lieu normal, was now converted, était converti, into holy ground, en une terre sainte. Are we understanding? Est-ce que vous comprenez cela? Step by step. Étape par étape. And I said, et je dis, when I begin to open for you, quand je commence à ouvrir pour vous, this glory, cette gloire, step by step, étape par étape, then you will see the message. Maintenant vous allez voir le message. Now, as the Lord begins to speak this message to you, que quand le Seigneur commence à vous parler, he is going to stir up a hunger. Il va vous mettre la faim in your heart, dans vos cœurs, longing for a visitation, le désir pour une visitation, longing for the Lord, le désir pour le Seigneur, more and more, plus et plus, and that is the meaning of revival. Et ça c'est la signification pour le réveil. People's hearts longing for the Lord. Les gens ont le désir pour le Seigneur. Listen to me now. Oui, écoutez-moi maintenant. A normal place. Un lieu normal. He's shepherding the sheep. Il est en train de paître les brebis. But when the glory comes down, et quand la gloire descend, becomes holy ground, ça devient terre sainte. Remove your sandals. Enlève tes sandales. And listen to this now. Et écoutez-moi maintenant. And then out of the cloud, et de la nuée, an instruction came out. Une instruction est venue. Alléluia. Alléluia. Listen carefully. Écoutez attentivement. Moïse was shepherding. Il était en train de paître. Was shepherding the earthly sheep, earthly sheep. Il était en train de paître les brebis. The sheep of the earth. Les brebis de la terre. Just shepherding the sheep. Les brebis du monde. Il paîtrait les brebis. Earthly, world, the world, the sheep of the world. Les brebis du monde, les brebis du monde. But when the glory came down, mais quand la gloire est descendue, and the Lord decreed holy ground, et que le Seigneur a déclaré une terre sainte, then an instruction came. Une instruction est venue. Yeah, we are beginning to get there, right? Nous sommes en train de comprendre. And he told him, et il a dit, to now go back, maintenant retourne, and begin shepherding Israel, the sheep of God. Et commence à paître le brebis de Dieu, le peuple d'Israël. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez cela? Step by step. Étape par étape. Shepherding the sheep of the world. Paître les brebis du monde. Having value system. Une valeur du système. Having a value system on the earth, on the earthly. Avoir une valeur du système dans le monde. But when the cloud comes, mais quand la nuée vient, changes his value system. Maintenant le système change. And now, et maintenant, he has to go back to the sheep of the Lord. Il doit retourner pour les brebis de l'Éternel. And he leaves the sheep of the world. Et il laisse les brebis du monde. The change of value system. Il y a maintenant un système, la valeur du système change. Do you understand me? Vous comprenez maintenant? This one will prepare you to enter. Ceci va vous préparer à entrer. Whether you live in Europe, que vous vivez en Europe, or you live in Kenya, que vous vivez au Kenya, if you catch this one here, si vous attrapez ceci, you must enter. Vous allez entrer. Oh yes. Oh oui. This revival is for anybody whose heart is willing. Cela est le réveil pour quiconque qui a le cœur avec le désir. Oh yes. Oh oui. Listen to this. Mais écoutez-moi. He's saying, il dit, that when this glory comes, quand cette gloire vient, wherever it lands, quel que soit le lieu où il descend, now we must remove sandals. Nous devons enlever les sandales. That place becomes holy ground. Ce lieu devient la terre sainte. And now, et maintenant, this glory already came. Cette gloire est déjà venue. Don't think the glory came to Kenya. Ne pensez pas que la gloire est venue au Kenya. This glory came to the church. Cette gloire est venue dans l'église. To the house of the Lord. Pour la maison de l'Éternel. And that means the message is this. Cela veut dire que le message est ceci. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That behold. Soyez éveillés. The house of the Lord. La maison de l'Éternel. Has now become holy ground. Est devenue une terre sainte. The house. La maison. And that means, cela veut dire, if there was prostitution in the house, s'il y avait la prostitution dans la maison, if there was false prophets in the house, s'il y avait des faux prophètes dans la maison, they must now remove sandals out ils there. Ils doivent maintenant enlever leurs sandales là-bas. Out there. Là-bas. Oh yes. Oh oui. Right there, out là-bas, there. Là-bas, à l'extérieur. Because he says, parce qu'il dit, this is now holy ground. Parce que ceci est la terre sainte. Oh yes. Oh oui. Yeah, that's the message. Ça c'est le message. And he's saying, et il dit, again I repeat, je répète encore, that if the women were coming to this church with miniskirts, si les filles venaient dans cette église avec des mini-jupes, and sitting here, et qui s'asseyait ici, and looking for men, et qui cherchait des hommes, he says, il dit, behold, soyez éveillés, this is now holy ground, ceci est une terre sainte, and prostitution, prostitution, must be out there, doit être à l'extérieur. Oh yes. Oh oui. Oh yes, yes. Oh oui. Yes. It must be out. Il doit être à l'extérieur. He said, no more. Ne plus jamais. Which means, cela veut dire, the Lord is saying, le Seigneur dit, he's coming back, il revient, to take back the house, pour reprendre la maison, to take back, pour reprendre la maison, meaning, cela veut dire, some other people, d'autres personnes, some merchants, some business people, les gens avec le business, les businessmen, some prostitution people, c'est des prostituées, some witches, quelques sorciers, sorcery and witches, les sorciers, had taken the house of the Lord, ont pris la maison de Dieu. He's saying now, maintenant, he is coming back, il revient, to take the house, pour reprendre la maison, from the homosexuals, de l'homosexualité. Oh yes. Oh oui. He's coming to take it back. Il revient pour reprendre le contrôle. He's now declaring, il déclare, that behold, que soyez éveillés, the house of the Lord, la maison de l'Éternel, is now holy ground, est maintenant une terre sainte. Period. No discussion. Plus de discussion. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. Oh, you see. Oh, vous voyez. Let us talk about it. Parlons maintenant. I think let us discuss it. Maintenant, parlons un peu, discutons. And see if we can come to common ground. Si nous pouvons venir ici. Not here. Non, pas ici. Si on peut faire un compromis. He's saying. Il dit. That the kingdom of God, que le royaume des cieux, for many years, pour plusieurs années, has suffered violence, a souffert de la violence. Now the Lord is coming, maintenant le Seigneur revient, to take it by force, pour reprendre ça en force. Hallelujah. Hallelujah. I just want to talk about the glory. Maintenant, je veux parler de la gloire. And you see, et vous voyez, that Moses is taking care of the sheep. Que Moïse est en train de paître les brebis. Taking care of the sheep. Qu'il est en train de paître les brebis. But when the glory comes, mais quand la gloire vient, when Moses meets the glory, pa, quand Moïse pa, se rencontre la gloire, pa, then the instruction changes. L'instruction change. And he says, et il dit, now, go to the sheep of the Lord. Maintenant, va vers les brebis de l'Éternel. And take care of the sheep of God. Et prends soin des brebis de l'Éternel. And he says, et il dit, go to Pharaoh. Maintenant, va vers le Pharaon. The king of Egypt. Le roi de l'Égypte. And take back the sheep. Et reprends les brebis. And bring them to worship Jehovah. Et reprends maintenant pour adorer Jéhovah. Hallelujah. Hallelujah. That is the message. Ça c'est le message. We must take back. Nous devons reprendre. The Lord is saying. Le Dieu dit. That you are sitting here. Vous qui êtes assis ici. The pastors. Les pasteurs. Everybody. Tout le monde. It is time to stop tending the sheep of Netherlands. C'est le temps d'arrêter de perdre les brebis de la Hollande. The sheep of Europe. Les brebis de l'Europe. He's saying stop. Il dit arrêtez. The glory has visited here. La gloire est descendue ici. He's saying, il dit, now, maintenant, let us go back. Maintenant retournons. And take the sheep of Christ. Et reprenez les brebis de Christ. And bring them from the devil. Et que vous les ramenez du diable. And bring them to the house. Et que vous les ramenez dans la maison. In the wilderness. Dans le désert. That they may worship Jehovah. Qu'ils puissent adorer Jehovah. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. That is the message. Ça c'est le message. This is the biggest message in the earth now. Ça c'est le grand message dans le monde entier partout. Very mighty. Qui est très puissant. So he's saying, il dit, that when the glory comes, quand la gloire descend, our value systems, maintenant nos systèmes, nos valeurs systèmes, are supposed to change. Doivent changer. From the earthly things, depuis des choses de le monde, earthly treasures, les trésors du monde, earthly ways, les chemins du monde, to heavenly, pour le ciel. And I told you, et je vous ai dit, you will not get this message anywhere in the world. Get it here. Vous n'allez trouver nulle part ce message qu'ici. Get it and record it. Maintenant, recevez et enregistrez cela. Write it. Écrivez cela. That is it. And that's why I am starting to give you this food, that when you eat it, you may be part of the glory. C'est pour cela que je vous donne ce message, pour que quand vous le mangez, vous puissiez être membre du réveil, parmi ceux qui sont dans le réveil. He's saying, il dit, it is now holy. Maintenant, c'est saint. Now must be cleaned up. Maintenant, on doit nettoyer. Where there was prostitution, là où il y avait la prostitution. Now we must leave the sandals out. Nous devons laisser les sandales à l'extérieur. Where there was money, là où il y avait money, l'argent. He said, those sandals, leave them out there. Ces sandales-là, laissez-les à l'extérieur. You see, oh, vous voyez, you have not met my expectation. Et vous n'avez pas atteint mes objectifs. We agreed that if I do one offering, vous saviez que quand je fais une offrande, the first offering is mine, la première offrande est à moi. And then you said, if I do the second one, is yours. Et vous dites, si je fais une deuxième offrande, c'est pour vous. No, not anymore. You said, those sandals, leave them out there. Ces sandales-là, laissez-les à l'extérieur. Because the love of money, parce que l'amour de l'argent, is the root of all evil in the church. C'est la route de toutes les mauvaises choses à l'église. And that's why pastors fear to rebuke sin. C'est pour cela que je châtie le péché. But he's saying, mais il dit, that when the glory comes, quand la gloire vient, the pastor, the mind, les pasteurs leur tête, the mind. Leur mémoire, leurs intelligences. I don't know what happens to the mind of the pastor. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'intelligence des pasteurs. When this glory comes. Quand cette gloire vient. Now he becomes reckless. Maintenant, il revient sans rite. He is rebuking the sheep left and right. Il est en train de châtier les brebis. He is talking about righteousness. Il est en train de parler de la droiture. And the wife is saying. Les femmes, il dit. Why are you destroying such a beautiful church? Pourquoi vous êtes en train de détruire cette belle église? And he's saying, et il dit, leave me alone, laisse-moi, with the Lord, avec le Seigneur. There is something we are doing. Nous sommes en train de faire quelque chose. In the house. Dans la maison. So you stay out of it now. Maintenant, reste à l'extérieur de ça. And begin to rebuke abortions. Maintenant, commence à enlever l'avortement. Begin to rebuke the worship team sexual sin with one another. Commence à châtier le péché, l'adultère dans l'équipe de louange. Begin to rebuke people staying when they are not yet married. Commence à châtier le péché des gens qui vivent ensemble alors qu'ils sont pas mariés. Begin to rebuke homosexuality. Commence à châtier l'homosexualité. Begin to rebuke the tight. Commence à châtier les choses qui sont serrées. Tight trousers. Serrés, les pantalons serrés, les jeans serrés. Tight skirts. Les serrés, le Begin to rebuke it. Commence à châtier cela. And if somebody says, you know, et si quelqu'un te dit, I am a prophet from Congo. Je suis un prophète du Congo. The Lord has spoken to me about your church. I want to come to your church. Dieu m'a parlé de votre église. Je veux venir à votre église. He says, no, please don't bring it here. N'amène pas cela ici. This is now holy ground. Maintenant, c'est une terre sainte. The Lord is doing something here. Dieu est en train de faire quelque chose ici. And you don't care. Et on n'inquiète pas de cela. When you rebuke the sheep. Maintenant, si vous châtiez les brebis. If you rebuke something called S-I-N, sin. Si vous châtiez le P-E-C-H-E. In Europe. En Europe. They will start get up and go. Ils vont get commencer à se lever get et partir. Get up and go. Get up and go. Et partir. Et partir. That is when you know et c'est là où vous saurez that you are really preaching the gospel. Que tu es en train de prêcher la bonne nouvelle. Oh yes. Oh oui. Because parce que it is painful. Parce que c'est très ça fait mal. If, la chirurgie. If you see a tumor, si vous voyez un tumeur, do you leave it? Est-ce que vous le laissez? You go there and remove it. Vous y allez et vous enlevez. Welcome to the kingdom of God. Maintenant, bienvenue dans le royaume des cieux. The kingdom of God is clean. Le royaume des cieux est pur. The kingdom of God. Le royaume des cieux is straight. It is a straight line. C'est un droit chemin. The kingdom of God. Le royaume des cieux is holy. Est saint. Righteous. Droit. Pure. Pur. And so he's saying et il dit that this is the time que cela est le temps when the Lord is telling the church que le Seigneur parle à l'église. Stop focusing on the earthly realm. Arrête de se focaliser sur earthly realm, les choses de ce monde. Let us now begin to focus on the things of the kingdom. Maintenant, focalisons-nous sur les choses du royaume. That is the reason I have come. Ça, c'est pour cette raison que je suis là, que je suis venu. Otherwise, you receive so many preachers from all over the world. Sinon, vous recevez beaucoup de prédicateurs du monde entier partout. From America. Des États-Unis. From Europe. De l'Europe. And sometimes you hear they're in sexual sin. Et parfois, vous entendez qu'ils sont dans un péché sexuel. For me, it's different. Pour moi, c'est différent. Because I see them before they fall into sexual sin. Je les ai vus avant qu'ils tombent dans le péché sexuel. And I always send them a message. I say, be careful, you're going to fall with a woman. Et je les envoie un message. Je dis, fais attention, tu vas tomber avec une femme. And at times they try to answer me back by Global TV. They give me an answer through Global TV. Ils commencent à me donner des réponses avec les chaînes globales de la télévision. And then I said, oh. J'ai dit, oh. Okay, let's wait and see. Maintenant, restons et voyons. But I've seen you falling. Mais je vous ai vu tomber. And I see every detail. I hear also. The Lord even brings me the letter. I read the love letters. I read. I read. Je vois tout. In fact, en fait, right now here, maintenant, the Lord is speaking to me now. Le Seigneur est en train de me parler about a pastor. À propos d'un pasteur. There is a pastor here now. Il y a un pasteur ici. By the way, right now here. Maintenant, par ailleurs, il y a un pasteur ici. And I see two women fighting for you. Je vois deux femmes qui se battent pour toi. And one of them, I think, I don't know whether it's your wife. I think one of them is the wife. L'une des deux, peut-être est ta femme, je suis pas sûr. And I see another woman fighting because this woman heard that you are going with the other woman. I don't know, vacation. I hear like vacation. Je vois que la femme est en train de se battre parce qu'elle a entendu que tu es parti avec l'autre femme en vacances. You are going to a place. Tu es parti quelque part. With the woman, I think, I don't know why, I see as if that's your wife. Avec une femme, je sais pas si c'est ta femme. I don't know whether that's the wife or the girlfriend, really. I need to sort this out. Je sais out. Pas si c'est ta petite amie ou si c'est ta femme. But the other woman is fighting. Mais l'autre femme se bat. And she's saying, elle dit, she will not let you go with that woman. Elle ne te laissera pas partir avec l'autre femme. And I see a train. There is a train et je also. Vois un train. I see a train. Un train. And then some of your friends go and restrain the other woman. Et quelques amis vont la prendre, l'arrêter. Tell her, please, don't do this. Let us talk, please. Sit down. Assis-toi. So that you may go with the other woman. Pour que tu puisses aller avec l'autre femme. I see that here. Je vois ceci ici. And then, et maintenant, when you are going, maintenant quand tu t'en vas, you ask one of your friends by phone. Tu demandes à un de tes amis par téléphone. Where is she? You're asking about the woman who remains. Tu demandes à ton ami où est l'autre femme. And then the friend tells you. Et ton ami te dit. I have left her there in your office. Je l'ai laissée là-bas à ton bureau. But I see a train. Mais je vois un train. And I see the woman who is very angry. Et je vois une femme très furieuse en colère. Whose husband has been taken away. Que dont son mari est parti et ont été enlevés. That woman. Cette femme. I see the train going. She's looking through the window to see if she can see you. Je vois le train partir. Elle, the window of the train. The window. Window. Et, another window. Elle est en train and, de... and the train is passing. And she's very angry. Et, she's elle, like elle est en train de voir les fenêtres et elle est très en colère. Elle regarde si elle peut te voir à travers les fenêtres du train. Elle fait comme ça, comme ci, comme cela, mais elle ne te voit pas. Elle est en colère. I see that here. Je vois cela ici. And she's wearing a dress that has a mixture of green and yellow. Elle a une robe verte. And I see she's looking through the windows of elle the train. Elle est en train de regarder les fenêtres et les fenêtres. I think this is her husband. Je pense que cela est son mari. Who is going with another woman? Qui est en train de partir avec une autre femme. The house of the Lord. La maison de Dieu. Has now become holy ground. Est devenue maintenant une terre sainte. If you want to invite preachers that will smear you with oil and wine. Si vous voulez maintenant amener des prédicateurs qui vont vous caresser avec du lait et du miel et du vin. Honey and milk. Le lait et le miel. Don't invite me here. Ne m'invitez pas ici. I have so many nations to go to. J'ai d'autres nations pour lesquelles je dois partir. But if you invite me, mais si vous m'invitez, the Lord will show me. Dieu me montrera. And the house will be cleaned. Et la maison va être pure. And the bride of Christ, et l'épouse de Christ, will be prepared. Va être préparée. Oh yes. Oh oui. Time is over. Oh, le temps est fini. I see that. Je vois cela. But I have seen all the other global, the number ones of the world. J'ai vu, oui, les numéro un, les gens globaux. In the same way, the Lord showed me. He brought me their love letters I read. Il m'a montré leurs lettres d'amour. There is sin in the church. Il y a le péché dans l'église. And yet the glory has now visited the house. Maintenant, l'église a visité la maison. Which means the Lord is saying. Dieu dit. It is time to clean out sexual sins. C'est le temps de nettoyer le péché sexuel dans l'église. From the church. De l'église. Be careful with sexual sins. Faites très attention avec le péché sexuel. Listen to me, the people of Netherlands and Europe. Écoutez attentivement l'Europe et la Hollande. Be careful with sexual sin in the church. Faites très attention avec le péché sexuel dans l'église. You can be a general of the Lord, a big man of the Lord. Tu peux être un général de grand pour Dieu. But sexual sin can get you and bring you down. Et le péché sexuel peut te prendre et te mettre en bas, te faire tomber. Behold, the house of the Lord. Soyez éveillés car la maison de Dieu is now holy ground. Est une terre sainte. Exodus 25. Exode chapitre 25. What is the message of the glory? Quel est le message de la gloire? Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, oh yes. Oh oui, oh oui. This is it. Oui, c'est ça. When I come, quand je viens, I come to destroy and go. Je viens détruire et partir. To destroy the works of the devil. Détruire les œuvres du diable. That Jesus may have his way. Que Jésus puisse avoir son chemin. It is time out for you to invite the false prophets of Africa. C'est plus le temps d'inviter les faux prophètes de l'Afrique. It is time out. C'est le temps. It is time out for the false prophets from Africa. C'est plus le temps maintenant des faux prophètes de l'Afrique. They come to Europe to look for money. Qui viennent en Europe pour l'argent. Some poor people. Ça, quelques pauvres personnes. Have entered the house of the Lord. Ils sont venus dans la maison de l'Éternel. And they are trying to make money in the house. Et ils pensent faire de l'argent dans la maison. And the Lord is saying. Et Dieu dit. Not here. Non, pas ici. It's over. C'est fini. Oh yes. Oh oui. Not here. Non, pas ici. Okay, the book of Exodus 25. Exode chapitre 25, le livre d'Exode chapitre 25. What is the meaning of the glory? Quelle est la signification de la gloire? The glory of the Lord. La gloire de l'autel. Exodus 25 verses 8 and 9. Verset 8 et 9. Chapitre 25, verset 8 et 9. Exodus. Exodus 25. Exode chapitre 25. 8 and 9. 8 et 9. It is time for Europe to receive the message. Oh oui, c'est le message pour l'Europe de recevoir le message. When Africa was worshiping the moon. Quand l'Afrique adorait la lune. When Africa was worshiping big mountain. Quand l'Afrique adorait les grandes montagnes. They were worshiping big snakes. Ils adoraient des bêtes. They were worshiping the rivers and the lakes. Ils adoraient les rivières et les lacs. Then some people from Europe. Maintenant, les gens de l'Europe. They gave up their lives. Ils ont donné leur vie. And they entered ships. Et ils ont amené des prépis. And they got malaria. Et ils ont eu la malaria. And died. Et ils sont morts. Sleeping sickness. Les maladies de dormir. And died. Et ils sont morts. The lions ate some of them. Les lions les ont mangés. Some people from Europe. Quelques personnes de l'Europe. Gave up their lives. Ils ont donné leur vie. And went to Africa. Et ils sont allés en Afrique. And began to learn the language. Et ils ont commencé à apprendre la langue. And told them. Et ils ont leur dit. Hey, stop it. Et arrêtez. Don't worship the moon again. N'adorez plus la lune encore. The Messiah. Le Messie. He has already gone to the cross. Est déjà parti à la croix. And died for the church. Et est mort pour l'église. Let us worship Jesus. Maintenant, adorons Jésus. Now Europe is in darkness. Mais maintenant, l'Europe est dans les ténèbres. And the Lord has sent somebody from Africa. Et maintenant, Dieu a envoyé quelqu'un de l'Afrique. To tell the Europeans. Pour dire aux Européens. The good roads. Le bon chemin. The good light. La bonne lumière. The good hospitals. Le bon hôpital. Good buildings. Les grosses buildings. That is not God. Ce n'est pas l'or. Hey. That is not God. Cela n'est pas l'or. God is Jehovah. Dieu est Jéhovah. Stop worshiping the universities. Maintenant, n'adorez plus les universités. Stop worshiping the top hospitals. Maintenant, n'adorez plus les grands hôpitaux. That if I am sick, si, I will go to the hospital. Si je suis malade, je vais aller à l'hôpital. Stop worshiping the financial markets. Arrêtez d'adorer le marché financier. Stop worshiping money. Arrête d'adorer l'argent. And go back. Et qui retourne. And worship Jehovah. Et qui adore Jéhovah. Oh yes. Oh oui. The Africans were worshipping trees and elephants. Les Africains adoraient les arbres et les éléphants. They looked at the elephant. Ils regardaient l'éléphant. They said, wow, this is too big. Et ils disaient, oh, ça c'est grand. This must be God. Ça doit être Dieu. And worshipped it. Oh, on doit l'adorer. People from Europe went there and said, no, stop. Don't do that. Please don't. Les gens ont dit, non, arrêtez. Worship Jesus. Adorez Jésus. But now I have come. Mais maintenant je suis venu. I see Europe. Je vois l'Europe. You worshiping good roads. Ils adorent des bonnes routes. The light is very arranged. Light. Les lumières sont bien arrangées. Les lampes sont bien arrangées. Tall buildings. Il y a des grands buildings, des grosses buildings. Good hospitals. Il y a des beaux hôpitaux. They said this must be God. Maintenant cela doit être Dieu. I have come to please don't stop J'ai it. Dit, non, arrêtez. Let us go back and worship Jehovah. Maintenant retournons et adorons Jéhovah. Hallelujah. The Messiah is coming. Le Messie revient. I have come to overturn the tables. Je suis revenu retourner la table. Yes, because you are used to preachers who come to ask you for pounds and euros and dollars. Vous êtes habitué en Deutschmarks. Vous êtes habitué aux prédicateurs qui viennent pour les euros, les pounds, Deutschmark. L'argent de l'Allemagne, les Deutschmark. Exodus 25. Exode chapitre 25. Verses 8 to verse 9. Verset 8 jusqu'à 9. He says. Il dit. Exodus 25, 8, 9. Exode chapitre 25, 8 à 9. Then have them make a sanctuary for me, and I'll dwell among them. Make the tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Make it. Faites cela. According to the pattern I will show you. Selon le modèle que je vais vous montrer. Make me a house. Mais faites-moi une maison. Says the Lord. Dieu dit. I want to come and dwell among you. Je viens habiter parmi vous. The Lord wants to come and live among you. Le Seigneur veut habiter au milieu de vous. Make me a house in Netherlands. Faites-moi une maison en Hollande. I want to live among you. Je veux habiter parmi vous. And when you do so, et quand vous faites cela, then Revelation chapter 21 verse 3, l'Apocalypse chapitre 21 verset 3, will be fulfilled. Va se réaliser. Where he will say, et là où il dit, that behold, soyez éveillés, the tabernacle of God, le tabernacle de Dieu, is now man, est maintenant l'homme. Let me explain it. Maintenant, laissez-moi expliquer. Because some version of the Bible, parce que quelques versions de la Bible, says, disent, that behold, de soyez, faites attention, the house of the Lord, the tabernacle of God, le tabernacle de la maison de l'Éternel, le tabernacle de Dieu, is now with men, est avec l'homme. But there is a version in Swahili, mais il y a une version en Swahili, that says, qui dit, that behold, soyez éveillés. Now the tabernacle of God, le tabernacle de l'Éternel, is man, est l'homme. Did you understand? Vous avez compris? Do you understand the message of the glory? Est-ce que vous comprenez le message de la gloire? He wants you to be the tabernacle. Il veut que toi tu sois le tabernacle. So that you may become holy ground. Pour que vous puissiez devenir la terre sainte. So nobody can come and defile you again. Quelqu'un ne peut plus venir vous tromper après. Oh yes. Oh oui. It is time for the church to be sanctified. Sanctification. Sanctification. Consecration. C'est le temps pour l'église de se sanctifier, de se consacrer. La consécration, la sanctification. That is the message from the cloud. Ça c'est le message de la nuée. He's saying, il dit, it is time for sanctification. C'est le temps pour la sanctification. It is time for consecration. C'est le temps pour la consécration. Sanctification. Sanctification. This is the meaning. Ça c'est la signification. Consecration. Consécration. This is the meaning. Qu'est-ce que ça veut dire? He says, put apart. Put apart, mais à part, for God's use, for pour God's use. L'utilisation de Dieu. Meaning separated. Sépare de cela. I have come to Europe. Je suis venu en Europe to separate the church. Pour séparer l'église from the world. Du monde. I have come to Europe. Je suis venu en Europe because of the visitation of the cloud. À cause de la visitation de la nuée. I have come. Je suis venu to separate the church of Christ. De séparer l'église de Christ. The bride of Christ. L'épouse de Christ. The royal bride. L'épouse royale. To separate her. Pour séparer. From the world. Du monde. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. The royal family in Holland. Le royaume en Hollande, la famille royale. Is very precious. Est très précieuse. They are very special people. Ils sont des gens très précieux. When they come here. Quand ils viennent ici, everybody will say, the royal family tout le monde va dire, oh, la famille royale est ici. The royal family in the UK, la famille royale en Grande-Bretagne is very precious. Est très précieuse. When they come, quand ils viennent, and you look at the vehicles coming, et vous voyez les véhicules venir, everybody say, the royal family has tout come. Le monde dit, oh, la famille royale est venue. The royal family, la famille royale, on the earth here. Sur le monde, ici, dans le monde. When they come, you see police, what security, everything is arranged very well, the chairs, everybody, everything is cleaned, everything, they remove this, they remove all this, they will remove everything. Quand ils viennent, vous voyez la sécurité, la police, tout le monde, on nettoie, on enlève tout ce qui est sur la terre. Everybody sitting in straight line. Tout le monde est droit, et debout. Turn with me the book of 1 Peter. Maintenant, tournez avec moi dans le livre 1 Pierre. Chapter 2, verse 9. Chapitre 2, verset 9. First Peter. 1 Pierre. Chapter 2. Chapitre 2. Verse 9. Verset 9. First Peter, chapter 2. 1 Pierre, chapitre 2. Verse 9. Verset 9. Pastors. Pasteur. Today your message has arrived. votre message est venu. The Lord has come to empower you now. Le Seigneur est venu vous donner le pouvoir. To give you power. Pour vous donner le pouvoir. This glory, cette gloire, gives the pastors power. Donne le pouvoir au pasteur. It raises the credentials of the church. Il amène la rédemption de l'église. The credentials, the resume of the church. Le résumé, le curriculum vitae it de l'église. It raises the resume of the church. Il donne le résumé de l'église. So that nobody can dismiss the church again. Pour que maintenant personne ne puisse mentir l'église. So that you can dance and say, wow, we are the church whose God is Jehovah. Maintenant vous pouvez danser et dire vous êtes l'église de Jéhovah. We are the ones worshiping the living God. Nous sommes ceux qui adorent le Dieu vivant. The God that answers, he comes to us. Le Dieu qui répond, il vient vers nous. This is to raise the credentials of the church. Ça c'est les choses essentielles, le résumé, le CV de l'église. Now I'm reading the book of 1 Peter chapter 2 verse 9. Je lis le 1 Pierre chapitre 3 verset 9. And he says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a royal priesthood. Royal priesthood. Two hearts. One is royal, one is priest. L'autre est royal, l'autre est un sacerdoce. He's saying, il dit, two crowns. Il y a deux trônes. One crown is royal. Une couronne est royale. You can imagine the royal families on the earth. Vous pouvez vous imaginer la famille royale sur la terre. When they appear in the Rolls Royce. Quand ils apparaissent dans les Rolls Royce. The Rolls Royce. Les Rolls Royce. And they appear and everybody, they say, wow, the royal family has arrived. Ils apparaissent et ils disent, oh, la famille royale est là. And the vehicles are custom made, special. Les véhicules sont faits spécialement, c'est spécial. Everything is arranged for them. Tout est arrangé pour eux. And then, et après, you can now imagine, et pouvez vous imaginer, the royal family, la famille royale, the royalty, la royauté, of God, de Dieu. You can imagine the royalty of God. Pouvez-vous vous imaginer la royauté de Dieu? How special are you? Comment spécial es-tu? Wow! Wow! So, the church is very special. L'église est très spéciale. The church is the royal family of God. L'église est la famille royale pour Dieu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Then why have you lived as if you are less? Pourquoi vous vivez comme si vous étiez moins important? If you look at the royal families on the earth, si vous regardez la famille royale dans le monde, they don't just come with you and they say, hello, how are you? Ils ne viennent pas comme ça, ha, comment vas-tu? Let us eat pizza together. Viens, on va manger quelque chose ensemble. Hello, good morning, how are you? Ils disent pas, hey, bonjour, comment vas-tu? They are not like that. Ils ne sont pas comme cela. The royal families, la famille royale, on the earth, les familles royales sur la they terre, they carry themselves with a certain stature, ils prennent soin d'eux avec quelques standards, a certain value, ils se comportent dans certaines valeurs. How much more? Comment vous? The royal family of God, the church. Combien plus forte raison vous, la famille royale de l'église. The royal family on the earth. La famille royale de ce monde. They are separated from the common people, the rest. Ils sont séparés des gens communs de ce monde avec le reste. How about the church? Et qu'est-ce que c'est maintenant l'église? Why are you not separated from the rest? Pourquoi vous n'êtes pas séparés du reste? Why? Pourquoi? And he says, il dit, verse 9, verset 9, but you are a chosen people, vous êtes des élus du peuple, a royal priesthood, le sacerdoce royal, a holy nation, une nation sainte, a people belonging to God, un peuple acquis pour Dieu, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Let me explain this. Laisse-moi expliquer. He's saying, il dit, that the church, que l'église, the church, the way he says it here, la façon qu'il dit l'église, that the church, que l'église, is supposed to be a separated people, doit être supposé un peuple séparé. Separation is the key. La séparation c'est la clé. Two words. Deux mots. Separation. Séparation. And unique. Et unique. Separation. Séparation. And unique. Et unique. Which means different. Qui qui veut dire, if there is sexual sin out, s'il y a le péché sexuel à l'extérieur, for you, you don't have it. Toi, tu devrais pas l'avoir. If people are struggling with lies out there, si les gens se combattent avec des mensonges là-bas, you don't have it here. Tu dois pas l'avoir ici. If on Friday night, si vendredi le soir, and Saturday night in Amsterdam, et le samedi soir à Amsterdam, Friday night, le vendredi soir, and Saturday night in Amsterdam, et samedi soir à Amsterdam, Friday night, vendredi soir, and Saturday night in Amsterdam, et samedi soir à Amsterdam, everybody's driving to the nightclub, to the discos, to the clubs, to the pubs, tout le monde va dans des discos, dans des bars. There is so much pressure on the young people. Il y a beaucoup de pression sur les jeunes gens. Everybody wants somebody to take them to a nightclub. Tout le monde veut porter quelqu'un, amener quelqu'un là-bas. The church, l'église, is separate. Est séparée. She is not going to be found there. Ne va pas tomber là-bas. Did you understand me? Avez-vous compris? That is what the glory is saying. C'est ce que la gloire dit. He's saying, behold holy ground. Soyez éveillés, c'est la terre sainte. Separate people. Un peuple séparé. Unique people. Un peuple unique. This is the message of purification. Ça, c'est le message de la purification. The message that separates the church from the world. Le message qui sépare l'église du monde. And tells the church. Et qui dit à l'église. You cannot live like these people. Pouvez pas vivre de cette façon comme ces gens. I tell you. Oui, je vous dis. And this sermon. Ce serment is coming direct from the throne of God. Vient directement du trône de Dieu. This is direct from God to you. Ça c'est directement de Dieu vers vous. Don't go looking on TV to find it. Ne cherchez pas ça sur la télévision. On TV, sur la télévision, entertainment. Oh, les publicités. Entertaining the church. Les publicités pour l'église. Entertaining the church. Les publicités pour publier l'église on TV, sur la télévision. They are busy entertaining the client. Ils sont en train de faire des publicités, sont occupés à faire de la publicité pour les clients. So they can sell a few products. Pour qu'ils puissent vendre quelques produits. The house of the Lord has become a marketplace. La maison de l'Éternel est devenue un marché. Listen to this now. Et maintenant, écoutez-moi. When Jesus Christ came, quand Jésus-Christ est venu, he came, il est venu, as the revelation, comme une révélation, of the glory of God, de la gloire de Dieu, in human form, sous une forme humaine. When Jesus Christ came, quand Jésus-Christ est venu, he came as the personification of the glory of God. Il est venu comme une personnification de la gloire de Dieu. He came like that. Il est venu comme cela. And when he came like that, quand il est venu comme cela, and he entered the house, et qu'il est entré dans la maison, he found them selling things in the house. Il a vu les gens en train de vendre des choses dans la maison. And he turned the tables. Et il a retourné la table. And he made a whip from the cord. Et il a pris une corde. And he began to whip them out. Et il tapait. And then he walked like this. Et il a marché comme cela. To those who were selling the doves, the Holy Spirit, the doves. Les gens qui vendaient les oiseaux. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Those who were selling the doves. Les gens qui vendaient le Saint-Esprit des oiseaux. And he said, hey! Et il a dit, vous! How dare you? Comment vous? Change my father's house. Pouvez changer la maison de mon père. Into a marketplace. Dans un marché. Oh yes. Oh oui. One more time. Encore une fois. The glory has come to clean up the house. La gloire est venue pour nettoyer la maison. Absolutely. Absolument. The book of Numbers chapter 9. Le livre de Nombres chapitre 9. The book of Numbers chapter 9. Le livre de Nombres chapitre 9. Numbers chapter 9. What is the meaning of this glory? Qu'est-ce que c'est la signification pour la gloire? It is the moment of truth. C'est le moment de la vérité. And the truth will set you free. La vérité va vous affranchir. So if somebody comes here, est-ce qu'il y a quelqu'un? And he says, I am the prophet of God. Bien que je suis le prophète de Dieu. I am also apostle. Je suis aussi apôtre. I want to do a conference. Je veux faire une conférence. And I need 500 euros entry. Je veux d'abord 500 dollars à l'entrée pour enregistrer les gens. And the pastor who invites me. Et les pasteurs qui m'invitent. I need a minimum of 10,000 euros in my account. Et que ils vous disent que j'ai besoin minimum de 10 000 dollars dans mon compte bancaire. If you hear that devil here again. Si vous entendez encore ce diable. That Satan here again. Qui vous dit cela encore. Tell him out of here. Dites-le, sortez de là. Tell him. Et dites-le. That Jesus paid the complete price on the cross. Jésus a payé le prix complet à la croix. There is no balance. Balance. Il n'y a pas de balance. He paid full. Il a payé tout. Especially from Africa, they come. Et spécialement ceux qui viennent de l'Afrique. They come to fundraise for money. Ils viennent pour avoir de l'argent. And yet, et maintenant, the work is enormous. Le travail est grand et énorme. To prepare the bride. Pour préparer l'épouse. I am reading the book of Numbers chapter 9. Je vais lire Nombre chapitre 9. This is what he says about the glory. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la gloire? Numbers chapter 9 verses 15. Nombre chapitre 9 verset 15. He says. Il dit. On the day the tabernacle, the tent of testimony was set up, the cloud covered it. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. This is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looked like fire. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Whenever the cloud lifted from above the tent, quand la nuée s'est élevée de dessus la tente, again, whenever the cloud lifted from above the tent, quand la nuée s'est élevée de dessus la tente, the Israelites set out. Les enfants d'Israël partaient. Whenever the cloud settled, the Israelites encamped. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. At the Lord's command, the Israelites set out, and at the Lord's command, they encamped. Les enfants d'Israël, quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel, ne partaient point. When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then, at His command, they would set out. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Sometimes the cloud stayed only from evening till morning, and when it lifted in the morning, they set out. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set out. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Whether the cloud stayed over the tabernacle for a few days or a month or a year, the Israelites would remain in camp and not set out. But when it lifted, they would set out. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elle s'élevait, ils partaient. At the Lord's command, they camped, and at the Lord's command, they set out. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. They obeyed the Lord's order in accordance with his command through Moses. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Alléluia. Alléluia. This is mighty. Ça c'est puissant. When the Lord, quand le Seigneur, saw that Israel, a vu Israël, was now living for the promised land. Et était en train de partir pour la terre promise. Israel. Israël. Was now leaving to the promised land. Quittait pour aller à la terre promise. The land of promise. La terre promise. The land of milk and honey. La terre du lait et du miel. Listen to what happened. Écoutez ce qu'il a dit. He saw them like this. Il les a vus comme ceci. They did not know direction. Ils ne connaissaient pas la direction, le chemin. For a long time, pour beaucoup de temps, the Israelites, les Israélites, they were slaves. Ils étaient des esclaves. They were slaves for a long time. Ils étaient des esclaves pour beaucoup de temps. They have their children born in slavery. Ils avaient leurs enfants qui naissaient dans l'esclavage. They did not know any other home. Ils ne connaissaient pas aucune autre maison. They did not know any other life. Ils ne connaissaient pas une autre vie. And when the Lord finally decided to liberate them from Egypt, quand Dieu maintenant a décidé de les libérer de l'Égypte, they had never been to Canaan. Ils n'ont jamais été à Canaan. So they did not know how to get there. Ils ne savaient pas comment y aller. And so they were walking, wandering around. Ils marchaient et tournaient et ils ne savaient pas. And you can imagine, et vous pouvez vous imaginer, people that have been slaves, un peuple qui était esclave, they are used to order. Ils savaient qu'ils étaient, on les donnait des ordres. Go there. Va là-bas. Come here. Viens ici. Now go here. Va là-bas. And all of a sudden, et soudainement, they have freedom to go. Ils ont la liberté pour partir. They had never been there before. Ils n'ont jamais été là-bas. Their lives, leur vie, they were focused down. Ils étaient focalisés d'être en bas, toujours humiliés. On the earthly realm, sur le monde, la terre. If it is food, earthly. Si c'est plein, asseyez-vous en bas. Everything earthly. Tout était en bas, pauvre. And then the Lord saw. Quand le Seigneur a vu that these people are lost people, que ce peuple est perdu, they have never been to this place. Ils n'ont jamais été là-bas. They don't know which way leads there. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe là-bas. If I don't help these people, si je ne les aide pas, finished, fini, they will not enter. Ils vont jamais entrer. Focus on me now. Focalisez-vous sur moi, s'il vous plaît. So the Lord. Le Seigneur, he decided, he said, he is going to help them. Il a décidé maintenant de les aider. And then he brought forth the cloud of this glory, glory. Il a amené devant eux la nuée, cette nuée, cette gloire. This very cloud. Cette nuée. This very cloud. Cette nuée qu'on voit. When the tent had been built, quand le temple était bâti, and he finished, et qu'il a fini, then the cloud came. La nuée est venue. When the tent had been constructed, was finished, quand le temple était construit, était fini, then the glory came. La gloire est venue. Listen to this now. Écoutez-moi maintenant. So he says, il dit, by night, dans la nuit, the cloud became fire. La nuée devenait le feu. And the fire, et le feu, when it settled on the tent, quand il était centré sur le temple, by day or by night, de nuit ou de jour, they stayed. Il devait rester là, campé. When the cloud in the day, quand la nuée durant le jour, or fire by night, ou le feu durant la nuit, lifted up, commencez à monter above the tent, au-dessus du temple, whether by day or by night, que ce soit le jour ou la nuit, the Israelites packed their things, les Israélites prenaient leurs choses, and went, et ils partaient. Did you understand me? Avez-vous compris? So, by watching the cloud, which means, qu'est-ce que cela veut dire? When the Israelites were leaving, quand les Israélites étaient là, in the camp, et qui quittaient dans le camp, where were their eyes? Où étaient leurs yeux? That means, cela veut dire, when the Israelites were in the camp, quand les Israélites étaient dans le camp, where were their eyes? Leurs yeux. Their eyes were always like this. Leurs yeux étaient comme cela. Any moment they have to check, is it still there? Leurs yeux regardaient pour voir s'il est encore là. Any moment is it still there? À n'importe quel moment ils devaient regarder pour voir s'il est encore là. When they came from Egypt, quand ils sont venus de l'Égypte, their eyes were here. Leurs yeux étaient ici. No, you see, in Egypt we used to eat big cucumbers. Oh, vous savez, en Égypte, on mangeait des concombres. In Egypt we used to eat pots of meat. Oh, nous mangeons beaucoup de viande, un pot de viande. I love matumbo. Oh, je dessine les matumbo. They were complaining. Oh, ils se plaignaient. They say we used to eat pots of meat. Oh, nous étions en train de nous mangeons avant des pots de viande. Their lives were focused here on Egypt. Here. Leur vie, they wanted to go back. Leur vie était focalisée sur la terre ici. Ils voulaient repartir. But when the Lord, mais quand le Seigneur, raised the glory, a monté la gloire. He began to teach Israel. Il a commencé à enseigner Israël. To start to focus like this. De se focaliser comme cela. Are you seeing the message for the church? Est-ce que êtes-vous en train de comprendre le message pour l'église? Is somebody seeing the message for the church? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute le message pour l'église? That for a long time, ben pour beaucoup de temps, the Israelites were used to focusing down like this. Les Israélites étaient focalisés jusqu'ici sur terre. This man Moses. Cet homme Moïse. We don't even know where he has gone. Nous savons pas de là où il vient. Let us tell our women to remove the earrings. Maintenant, disons à nos femmes d'enlever les boucles d'oreilles. And remove the necklace. Et d'enlever ces chaînettes. And let us make for ourselves a God that we can see. Et que nous puissions faire un Dieu que nous pouvons voir. Let us make for ourselves a golden calf that we can worship a real God who can lead us. The one we can touch. Faisons-nous un veau d'or, un Dieu que nous pouvons toucher. Are you understanding me? Écoutez, est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Follow me step by step. Suivez-moi étape par étape. Don't miss this one. Ne manquez pas ceci, s'il vous plaît. So, cela, they were focused on this earthly realm. Ils étaient focalisés juste à ce niveau. So they made for themselves a God that they can go and touch. Ils se sont fait un Dieu qui pouvait toucher. Touch it. Qui pouvait toucher. This man Moses, we don't know where he has gone. Cet homme Moïse, on ne sait pas là où il est parti. But when the Lord raised the cloud, mais quand Dieu faisait monter la nuée, it meant that everything in the life of Israel, cela voulait dire dans toute la vie des Israélites, had to change, doit changer. Where she was used to focusing on the world, là où elle s'était habituée à se focaliser sur les choses du monde, she was now being taught, maintenant ils étaient enseignés, to focus on the Lord, pour se focaliser sur le Seigneur. The Bible says, la Bible dit, he comes, il vient, riding on the cloud of his glory, avec sa gloire, en courant avec sa gloire, dans sa gloire. He comes, il vient, riding on the cloud of his glory, en marchant avec sa gloire. So, cela veut dire, this was God himself, ça c'était Dieu lui-même. This was God himself, ça c'était Dieu lui-même. Tell me one thing. Dites-moi quelque chose. The Lord then began to shepherd Israel. Le Seigneur a commencé à paître Israël. By himself. Par lui-même. He did not send anybody. Il n'a pas envoyé quelqu'un. The Lord sent, he came himself to shepherd Israel. Le Seigneur est venu lui-même paître Israël. Because he knew. Parce qu'il savait that there was a lot at stake. Qu'il y avait beaucoup de choses. He knew. Il savait that Israel had never been this way before. Que Israël n'ait jamais été comme cela avant. So he began to shepherd them, to lead them to the promised land. Il a commencé à paître lui-même Israël à la terre promise. And in the process, et dans le process, Israel, they learned to check the cloud. Ils avaient appris à regarder le ciel. And stay. Et s'arrêter. Check the cloud. Et regarder la nuée. Lift up. Quand il se levait. And follow. Et il suivait. And Israel. Entered the history books of heaven. Est entré dans l'histoire du ciel. Israel became the monument. Israël est devenu un monument. The monument to the nations. Le monument pour des nations. On how to submit and obey Jehovah. Comment se soumettre et obéir Jehovah. And in the process. Et dans le processus. Israel entered the promised land. Israël est entré la terre promise. Do you see the message? Est-ce que vous entendez le message? When I gave the prophecy of this cloud, quand j'ai donné la prophétie de cette nuée, I told them, je leur ai dit, this is the ultimate preparation. Ça c'est ultime, c'est une préparation ultime importante. Because the Lord himself, parce que le Seigneur lui-même, he is not sending anybody now. Il n'est pas en train d'envoyer quelqu'un maintenant. He is coming himself. Il vient lui-même. And in the prophecy, et dans la prophétie, I said, je dis, the Lord himself, le Seigneur lui-même, is now coming to shepherd his sheep. Il vient lui-même paître ses brebis. There you go. This is the last warning. Ça c'est la dernière le dernier avertissement. This is the last warning to the pastors of apostasy. Le dernier avertissement pour les pasteurs pendant l'apostasie. This is the last warning to the pastors of corruption. Ça c'est le dernier avertissement pour les pasteurs corrompus. He's saying, il dit, I will not send anybody else. Je n'enverrai pas quelqu'un d'autre. This time around, ce temps-ci, if you are not ready to comply, si vous n'êtes pas prêt à être maintenant en ligne avec, to obey, de s'obéir, I am going to come myself. Je vais venir moi-même. And shepherd my sheep. Et paître mes brebis. Into the land of revival. Vers la terre du réveil. And the land of the rapture. Et la terre de l'enlèvement. The promised land. La terre promise. Did you understand? Avez-vous compris? And Israel. Et Israël. Became the monument. Est devenu le monument. Became the perfect example. Est devenu l'exemple parfait. Of how to submit under Jehovah. Comment se soumettre sous Jehovah. And obey. Et obéir. When the cloud lifted. Quand la nuée se levait. They left. Ils partaient. When the cloud settled. Quand la nuée restait. They camped. Ils campaient. Perfect obedience. Une obéissance parfaite. Obedience perfect. Une obéissance parfaite. Did you understand this? Avez-vous compris? Do you understand the message of this cloud? Avez-vous compris le message de la nuée? I am so blessed that the Lord has allowed me to teach it. Je suis béni que je peux enseigner cela. He could have refused. Il pouvait refuser. He could have said, no, don't worry. Il a dit, non, non, t'inquiète pas. Those who want to know, they will read the Bible and understand. Don't tell them about it. Ceux qui veulent apprendre, ils vont lire la Bible et comprendre. If they want, they can read. If they don't want, they can stay. S'ils veulent, ils vont lire. S'ils ne veulent pas, ils vont rester comme cela. Jehovah still remains God. Jehovah reste toujours Jehovah Dieu. Whether you read it or not, Jehovah is still God. Que je lise cela ou pas, Jehovah reste Dieu. But this is a lot of love. Ça c'est beaucoup d'amour. This is a lot of love. Ça c'est beaucoup d'amour. That he can send me to teach a class, to teach. Que je peux enseigner à la classe, je peux enseigner aux élèves. He wants you to know the secrets of heaven. Et il veut que vous puissiez savoir les secrets du royaume. And the secret of heaven is this. Et les secrets des cieux sont ceci. He is saying, il dit, that this cloud, que cette nuée, is the cloud that has come to give the church direction. Et la nuée qui est venue donner l'église la direction. That if we will follow the glory of the Lord, que si nous suivons la gloire de Dieu, we will enter the glorious kingdom of God. Nous entrerons la gloire du royaume des cieux. And warning to you, warning, be careful. Et je vous avertis, faites attention. This glory is the Lord himself. Cette gloire, c'est Dieu lui-même. So which means, que cela veut dire, if you are used to playing around in the past, si vous étiez habitué à jouer tout autour, now we cannot. Maintenant, nous pouvons plus. Did you understand? Avez-vous compris? That is my responsibility to tell you the truth. Ça c'est ma responsabilité de vous dire la vérité. Hallelujah. Hallelujah. If you want to read more about the glory, si vous voulez lire plus sur la gloire, Exodus chapter 40 verse 34. Exode chapitre 4 verset 34. 1 Kings chapter 8. 1 roi chapitre 8. Verses 10 and 11. Verset 10 à 11. And I will just mention this in finishing. Et je vais juste mentionner ceci et finir cela. There is a warning. Il y a un avertissement. Let me give this warning. Laissez-moi donner cet avertissement. Time is over. Ouais, le temps est fini. Every time the glory of the Lord comes. Chaque fois que la gloire descend vient. Be careful. Faites attention. Every time the glory of the Lord visits. Chaque fois que la gloire de Dieu visite. Be careful. Faites attention. Do you remember when the glory came in the days of Eli? Vous vous rappelez quand la gloire est venue dans les jours d'Eli? Eli, the priest of God. Eli, le prêtre sacerdoce. Of the Lord. De Dieu. The glory used to visit. La gloire était habituée à visiter when they sacrifice, quand il y avait un sacrifice, as a sign of approval, acceptance, comme un signe d'approbation, d'acceptation, the sign that God is happy, le signe que Dieu est content. But then, mais après, the biggest symbol, the icon, the monument, le symbole le puissant, grand, le monument, the icon, le plus important, of the loss of the glory, c'est la perte de la gloire, of the departure of the glory, le départ de la gloire, of apostasy, l'apostasie, of falling away from true faith, pour tomber de la vraie vérité. The biggest sign, le signe grand, le plus puissant, in the Bible, dans la Bible, the monument, le monument, in the Bible, dans la Bible, for the loss of the glory, de la perte de la gloire, is this one, et ceci. He is seated on a chair, il est assis sur une chaise, and they go to war, et ils vont à la guerre, and they take the ark of God, et ils disent à l'arche de l'alliance, where the glory used to come and sit, là où la gloire venait et descendait. The biggest sign of the fall, le plus grand signe de tomber, the fall from grace, la chute de la grâce, the biggest sign of God has left, le plus grand signe que Dieu est parti, is this one, et ceci. Look at me now, regardez-moi. Sitting on a chair, tu es assis sur la chaise, and the two sons have gone to battle, les deux fils sont partis à la bataille, together with the Israeli army, avec l'armée israélite, and they have taken the ark of God, et ils ont pris l'arche de l'alliance, where the glory used to settle, là où il y avait toujours la gloire, they have taken to the battlefield, ils ont amené ça au champ de bataille, and then, et après, you are sitting on the chair, tu es assis sur la chaise, and you are a bit heavy also, et tu es un peu gros, and then the message comes, et le message vient, that, hey, hey, are you aware, est-ce que tu connais, that we have lost the battle, que nous avons perdu la bataille, even your two sons, même tes deux fils, they have died, ils sont morts, and also, et aussi, the ark of God, et l'arche de Dieu, has been taken, a été pris. And you are sitting like this. Et tu es assis comme cela. And when you hear the two sons, et quand tu entends les deux fils, it shocks you. Ça te choque. But when you hear, mais quand tu entends, that the ark of God also, l'arche de Dieu aussi, then you are shocked. Tu es choqué. And the chair, et la chaise, and you break your neck, et tu brises ton cou, and die, et tu meurs. And then your daughter-in-law, ta belle-fille, gives birth to a baby, donne naissance à un bébé, and names the baby, et donne le nom au bébé, Ichabod. Ichabod. Did you understand? Avez-vous compris? There is a warning on the glory. Il y a un avertissement sur la gloire. Did you understand the warning? Avez-vous compris l'avertissement? The very place where the glory used to come. Le précieux lieu où la gloire venait. The enemy has taken it away. L'ennemi l'a pris. And the glory of God, et la gloire de Dieu, has left the house of Jacob. Est sorti de la maison de Jéhovah. I'm giving number two. Je veux vous donner numéro deux. Second warning. Le deuxième avertissement. Before I come to the church today. Avant que je vienne à l'église maintenant. Second warning. Le deuxième avertissement. He told David, il a dit à David, you cannot build for me a house. Tu ne peux pas me bâtir une maison. But your son Solomon, mais ton fils Salomon, will build me a house. Va me bâtir une maison. And when Solomon built the house, et quand Salomon bâtira la maison, and on the day of inauguration, et le jour de l'inauguration, the day that Solomon was being sworn in, swearing in, quand le Salomon va être là, the glory came, la gloire est venue, and filled the house, et a rempli la maison. It was so much, c'était puissant, that the priests could not do their work, que les prêtres ne pouvaient pas faire leur travail. They sat back, ils devaient partir en arrière, ils pouvaient pas faire leur travail. In another meeting in Kenya, dans une autre réunion au Kenya, at a place called Kapkatet, dans un autre lieu appelé, the glory was so heavy we could not do anything. La gloire était puissante qu'on pouvait rien faire. We could not do anything. We could not see clearly. Nous ne pouvons plus voir. Nous ne pouvons plus voir clairement. Before the glory, when the glory came, avant que la gloire vienne, quand la gloire est venue, visibility was poor. La visibilité était pauvre. So when the glory came to the house of the Lord that Solomon built, quand la gloire est venue sur la maison de l'Éternel que Salomon a bâti, Solomon built, que Salomon a bâti, when the glory came, quand la gloire est venue, and visibility was poor, et la visibilité était pauvre, and they could not see well, et qu'ils ne pouvaient plus bien voir, this is how it looked like. C'est comme cela que ça a été. So this is how it looked like. C'est comme cela que ça ressemble. But listen to me. Mais écoutez-moi. The glory was the sign of approval by God. La gloire, c'était le signe de l'approbation par Dieu. Now listen to this. Écoutez-moi. When Solomon now began to enjoy the approval of God, quand Salomon a commencé à jouir de l'approbation de Dieu, and you know that if you are a pastor in Europe, et si tu sais que tu es pasteur en Europe, and you preach righteousness, et que tu prêches la droiture, and holiness, et la sanctification, and the Lord begins to give you approval, et que Dieu commence à approuver, and begins to love you, et il commence à t'aimer, and bless you, et bénir, then you start to have everything you never had, et tu commences à avoir tout ce que tu n'as jamais eu. You start to have everything you never had. Tu commences à avoir tout ce que tu n'as jamais eu. When the Lord approves of you, quand Dieu t'approuve, the things where you are suffering, les choses que tu souffrais, I have no school fees for my children, je n'ai plus l'argent pour l'école, les frais scolaires de mon enfant, I have no visa, je n'ai plus de visa, I have no passport, je n'ai plus de passeport, I have no car to go around, je n'ai plus de voiture pour me balader. All those things follow you when you choose first the kingdom of God and His righteousness. Toutes ces choses te suivront si tu suis d'abord le royaume des cieux et sa droiture et sa justice. But after that, mais après cela, there is a warning. Il y a un avertissement. The test of Abraham. Le test d'Abraham. When Abraham was blessed with Isaac, quand Abraham a été béni par Isaac, and the Lord told him, et le Dieu lui a dit, lui a demandé, that the Messiah will come from your son Isaac. Le Messie va venir de ton fils Isaac. That was the blessing of Abraham. Ça c'était la bénédiction d'Abraham. That the Messiah will come from his lineage. Que le Messie viendra de sa lignée, de sa génération. The Redeemer of the whole world and all men. La récompense pour tout le monde, pour tout humain. Then the Lord comes to Abraham. Et Dieu vient pour Abraham. And says, take your only son Isaac. Prends ton seul fils Isaac. To a mountain I will show you. Sur une montagne que je vais te montrer. And I want you to slaughter him. Et je veux que tu puisses le couper pour moi, le sacrifier. So the Lord is testing. Dieu est en train de le tester. Do you love the blessing more than the blesser? Est-ce que tu aimes la bénédiction que celui qui donne la bénédiction? There is a second warning. Il y a un deuxième avertissement. Do you love the blessing more than the blesser? Est-ce que tu aimes les bénédictions plus que celui qui donne les bénédictions? More than the one who gave you the blessing. Plus que celui qui t'a donné les bénédictions. Are you willing to surrender the blessing for the sake of worshiping the blesser? Es-tu prêt à te livrer toi-même pour l'adoration de celui qui est Dieu? Do you understand the test? Est-ce que vous comprenez le test? Because when the glory comes, quand la gloire vient, then there is plenty. Il y a tout. In fact, there is one of the scriptures here. Il y a une écriture qui ici, in the book of Psalms, le livre des psaumes, where he says, quand il dit, they feast on the abundance of my house, que l'abondance dans ma maison. I'm going to read it for you in a second. Je vais lire cela pour vous. One of the scriptures here in the book of Psalms. L'une des écritures dans le livre des psaumes. It is Psalms 36 verse 8 verse 9. C'est verset 8 et 9. Psalms 36 verse 8 verse 9. Psalm chapitre 36 verset 8 à 9. I am giving you the most beautiful message in Europe. Je vous donne le plus beau message en Europe. Oh, the Church of Christ in Europe. Oh, l'Église de Christ en Europe. You must enter. Vous devez entrer. If you fail to enter, what will you tell the Lord? Si vous manquez à entrer, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? The book of Psalms 36, I need to find it. Le livre de Psaumes chapitre 36. Verses 8 and 9. Verset 8 à 9. And he says, et il dit, they feast on the abundance of your house. You give them drink from the rivers of delights. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il sera saisi de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Let me read it again. Laisse-moi lire encore. This is very powerful. Ça c'est très puissant. He says, il dit, they feast on the abundance of your house. You give them drink from your river of delights. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il sera saisi de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. For with you is the fountain of life. Car auprès de toi est la source de la vie. For with you is the fountain of life. Car auprès de toi est la source de la vie. Which means abundance of life. Que cela veut dire l'abondance de la vie. And he says, et il dit, in your light we see light. Par ta lumière nous voyons la lumière. Can you imagine how powerful? Comment pouvez-vous imaginer comment c'est puissant? When the glory comes, quand la gloire vient, they feast on the abundance of your house, et que l'abondance de ta maison, they drink from the fountains of his delight. Et ils se délissent par le torrent de sa rivière. That means they are harvesting the soul. Cela veut dire ils ont eu la récolte des âmes. That means they are harvesting the soul. Cela veut dire ils récoltent les âmes. But when that happens, mais quand cela arrive, then comes a warning. Vient après un avertissement. Solomon, Salomon, when the glory entered, quand la gloire est entrée, then Solomon, Salomo, he began to feast on the abundance. Il a commencé à avoir l'abondance. Provision. Popularité. Many things. Beaucoup de choses. Abundance of the house. L'abondance de la maison. Wow. Wow. But there comes the warning. Mais là vient l'avertissement. Solomon feasted. Salomon a célébré. And then he entered sexual immorality. Et il a commencé à entrer dans l'immoralité sexuelle. Money, power and women. L'argent et le pouvoir et les femmes. Money, power and women. L'argent, le pouvoir et les femmes. Solomon had 1000 women. Salomon avait 1000 femmes. 1000. 1000 femmes. And then the glory left. Et là, la gloire est partie. Now listen to me. Écoutez-moi. Every time the glory leaves the house of the Lord. Chaque fois que la gloire quitte la maison de Dieu. Every time the glory leaves the house of the Lord. Chaque fois que la gloire quitte la maison de Dieu. Then the temple of the Lord in Jerusalem was attacked and destroyed. Le temple de Jérusalem est attaqué et détruit. Warning. Avertissement. Warning. Avertissement. Don't let the glory go. Ne laissez pas la gloire partir. If you follow the history of the temple of the Lord on Mount Moriah in Jerusalem. Si vous suivez la gloire de la Mount Moriah à Jérusalem. If you follow the history of the temple. Si vous regardez l'histoire du temple. Every time the glory went away. Chaque fois que la gloire quittait. In one of them Ezekiel saw. Une des que Ézéchiel a vu. Ezekiel saw the glory go and the cherubim take the glory and it went and settled on the Mount of Olives and went. Ézéchiel a vu la gloire quitter sur le mont des olives. Ezekiel warned, he also saw. Ézéchiel a averti et a vu aussi. He saw the glory come and the two cherubim take the glory and the glory went outside the temple and settled on the Mount of Olives. Et il a vu les chérubins partir avec sur le mont des oliviers. Now I am teaching you deep Bible, very deep. Maintenant je vous right prêche now. La Bible profonde. Right now. Maintenant. And settled on the Mount of Olives. Sur le centre des monts des oliviers. And then Ezekiel saw the glory leave. Ezekiel a vu la gloire quitter. And then Ezekiel gave the prophecy. Ezekiel après a donné la prophétie. Every time, chaque fois, the glory left the house of the Lord in Jerusalem. Que la gloire quittait la maison de l'Éternel à Jérusalem. The devil attacked. Le diable attaquait and destroyed the temple. Et détruisait le temple. Why? Pourquoi? Because instead of worshiping Jehovah, parce qu'au lieu d'adorer Jéhovah, they began to worship idols there. Ils commençaient à adorer les idoles. Prosperity there. La prospérité. They began to worship the blessings there. Ils ont commencé à adorer la bénédiction. Instead of the blesser. Au lieu d'adorer celui qui donne la bénédiction. In one of them, the Lord brought Ezekiel to the temple. Un jour, Dieu a amené Ézéchiel dans le temple. And he said, "Son of man, look." Et il a dit, oh, fils de l'homme, regarde. And they were worshiping all forms of idols. Et ils adoraient toutes sortes d'idoles. In another one, en d'autres mots, when the Lord brought Ezekiel, quand Dieu a amené Ézéchiel, this is the altar of the Lord, ça c'est l'autel de Dieu, but they sat at the door, mais ils étaient à l'extérieur, with their backs, the back facing the altar of God, avec leur dos qui faisait face à l'autel, and they were worshiping the sun, et ils adoraient le soleil. Did you understand me? Est-ce que vous m'avez compris? It is my responsibility to give you that warning. C'est ma responsabilité de vous donner cet avertissement. And then I will tell you what it means to the church. Et cela, je vais vous dire après que ce que cela veut dire pour l'église. The church in Europe today. L'église en Europe aujourd'hui. The body of Christ globally today. Le corps de Christ globalement maintenant. That is my responsibility. Ça, c'est ma responsabilité. Listen to this. Écoutez ceci. Do you remember? Vous vous rappelez? Because of the idol worship in the house of the Lord on Mount Moriah. À cause de l'idolâtrie dans la maison de l'Éternel sur le mont Horeb. He allowed Nebuchadnezzar to destroy. Il a permis à Nebuchadnezzar de détruire. And in the Bible, he calls Nebuchadnezzar my servant Nebuchadnezzar. Et il appelle dans la Bible Nebuchadnezzar mon serviteur. And destroyed and set it on fire. Et a détruit et a mis ça dans, sur le feu. Because women were sitting there with miniskirts. Parce que now. Les filles étaient assises avec des mini-jupes comme aujourd'hui. No fear. Il n'y avait pas de crainte. The young men were now putting on earrings. Les hommes avaient des boucles d'oreilles sur leurs oreilles. And sagging trousers. Et ils avaient des jeans troués ici et des pickpockets. And they're putting on the hat. Backwards. Et ils prenaient leur chapeau et ils retournaient ça en arrière. When they are worshiping, they were now worshiping idols there. Ils adoraient l'idolâtrie là-bas. I am very shocked that you are laughing. Je suis choqué que vous riez. Listen to this. Écoutez ceci. The Lord sent them, they destroyed. Le Seigneur a envoyé et a détruit. The temple. Le temple. And until today. Jusqu'aujourd'hui. There is a mosque sitting there. Il y a une mosquée qui est là. Try to laugh now. Maintenant, essayez de rire. Until today, jusqu'aujourd'hui, there is a mosque sitting there as a monument. Il y a une mosquée qui est là comme un monument of the idol worship they used to do there. Comme l'idolâtrie qu'ils faisaient là-bas. There is no temple of Jehovah there now. Now, as we speak, de temple de Jehovah, there is a mosque. There is a mosque called. The rock, the dome of the rock, the dome of the rock, and you cannot touch it. You cannot destroy it. Il y a un rocher qui est là, tu peux pas le détruire, qui est très célèbre, qui est très populaire. Where? As a symbol that the glory has left. Comme un symbole que la gloire a quitté. And beginning from that time. Et depuis ce temps-là. It marked. Il s'a marqué. The darkest dispensation in the life of Israel. Le manque de la dispensation pour Israël. Everybody wants to destroy Israel. Maintenant, tout le monde veut détruire Israël. All the time they are living on the edge. Toutes les temps de la génération, tout le monde veut détruire Israël. Did you understand? Avez-vous compris? Do you understand the Lord who sent me here? Vous comprenez maintenant le Dieu qui m'a envoyé ici? Do you understand the Lord who sent me here? Est-ce que vous comprenez le Dieu qui m'a envoyé ici? Even the Messiah. Même le Messie. When the Messiah was rejected by Jerusalem. Quand le Messie était lui-même rejeté par Jérusalem. He was the personification of the revelation of the glory of the Father. Il était la personnification, la révélation de la gloire. Of the Father. Du Père. When they rejected him in Jerusalem. Quand ils l'ont rejeté à Jérusalem. Then he resurrected. Il est ressuscité. And he came, he took his disciples. Et il a pris ses disciples. And he followed the same path that Ezekiel had prophesied. Et il a suivi le même chemin que Ezekiel a prophétisé. He went towards the Mount of Olives. Il est parti sur le mont des Oliviers. And he reached a place called Bethany. Et il a atteint un lieu appelé Bethany. But when he was on the way to Bethany with the disciples, et quand il était sur le chemin de Bethany avec ses disciples, he cried. Il a pleuré. He looked back at Jerusalem. Il s'est retourné en arrière pour voir Jérusalem. And he said, "Oh Jerusalem, Jerusalem." Il a dit, "Oh Jérusalem, Jérusalem." You the city that kills the prophets. Oh, tu es celui qui a déçu. Oh, how I wish. Oh, que je désire. You the city that kills the prophets. Oh, tu es celui qui a tué les prophètes. Oh, how I wish. Comment je désire. That you had known. Que tu aurais su. Your hour of visitation. Le temps de ta visitation. Oh, how I cry to you. Comment je crie pour toi. He looked at the city. Il a regardé la vie. Oh, how I cry to you. Oh, comment je crie pour toi. That you had known. Que tu aurais su. That all I ever wanted to do. Que tout ce que je voulais faire. Was to gather you. C'était pour t'assembler. And protect you. Et te protéger. Like a hen protect the chicks. Comme une poule. Like a hen protect the chicks under the wings. Comme la poule protecting the chicks. Comment il protège ses poussins? And he said, et il dit, with much sadness, triste, Very sad. C'est très désolant. He spoke with much sadness about Jerusalem. He looked and he spoke with much sadness. Il a parlé avec beaucoup de désolation, avec beaucoup de mal dans son cœur. Then he said. Et il dit. Now, never mind. Maintenant, ne t'inquiète pas. Now, don't worry. Maintenant, ne t'inquiète pas. Never mind. Ne t'inquiète pas. Now, you will never ever see me again. Maintenant, tu ne me reverras plus. Until you say, après que tu vois, that blessed is he who comes in the name of the Lord. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. That is when I will come back to you. Ça, c'est comme cela que je vais venir vers vous. Did you understand? Avez-vous compris? Did you understand the warning? Avez-vous compris l'avertissement? Jerusalem played with the glory. Jérusalem a joué avec la gloire. And that's why I told you. C'est pour cela que je vous ai dit. This revival is not for Kenya. Ce réveil n'est pas pour Kenya. It's for the whole church. C'est pour toute l'église. If the church in Europe will open their heart to repentance, si l'église de l'Europe ouvre leur cœur pour la repentance, that same glory will visit Europe. Cette même gloire visitera l'Europe. But, mais, listen to me. Écoutez-moi. When Eli, the priest of God, quand Eli le sacrificateur de Dieu, played around with the glory, a joué avec la gloire, the glory left. La gloire a quitté. When Solomon played around, quand Salomon a joué autour, the glory left. La gloire a quitté. I know, je connais, that the Lord can repeat the Bible. Que Dieu peut châtier. Can repeat the Bible. Peut répéter la Bible. Let us be careful. Soyons attentifs. If that glory has come, si cette gloire est venue, then por favor in Spanish, please. Par faveur, s'il vous plaît, en espagnol. Prepare your hearts to receive that glory. Préparez vos cœurs pour recevoir la gloire. Please don't. Let me tell you. Don't play around with that glory. Ne jouez pas avec la gloire, cette gloire. Don't say, ah, you see what? Don't je play sais, around with suis, that glory. Quelqu'un. Ne jouez pas avec cette gloire. That glory is meant to take the church at this hour to shepherd into the kingdom of God. Cette gloire est faite pour prendre l'église et l'amener vers le chemin du royaume des cieux. Did you understand me? Avez-vous compris? Are we now clear with the warning? Est-ce que nous au même niveau avec For the church in Europe. Pour que l'église en Europe. The first step is this. La première étape est ceci. Repentance. Repentance. Turn away from sin. Aller loin du péché. In Kenya, for example. Au Kenya, par exemple. Kenya did history, broke record. Avait l'histoire, a fait un record. What they did is this. Qu'est-ce qu'ils ont fait? They came out and wore the sack of like this. It's a sack for putting maize. Ils ont amené des sacs de maïs, des sacs que vous connaissez. They cut the end like this, cut like this, and they wore and began to repent like this in the public. Ils ont coupé et ils ont porté cela pour se repentir en public. How many people? Combien de gens? In this modern, post-modern Europe. Dans ce pays, dans ce continent européen post-moderne, can take a sack, peut prendre un sac, dirty sack, you don't wash it, un sac sale que tu ne prends pas, sac de riz, and cut the hand, cut the neck and wear, et que tu coupes partout pour que tu le portes, and go to the central square and begin repenting and put ashes on your head, et que tu vas au centre mais que tu mettes maintenant les chapeaux sur ta tête, la poussière sur la tête. That's why I said Kenya made history. C'est pour cela que je dis Kenya a fait une histoire. That's why when the Lord came to bless them, he opened heaven over them. C'est pour cela que quand Dieu est venu pour les bénir, a ouvert le ciel. Senior government officers, right? Le gouverneur principal. When they wanted to come to the meeting, quand il a voulu venir à la réunion, they called me and asked me. Ils m'ont appelé et m'ont demandé. How should I dress? Should I get a sack and wear? Comment je dois porter? Est-ce que je dois mettre un sac et venir? Only in Kenya. Seulement au Kenya. But I want to see. Mais je veux voir. Will Europe really bow down to this Jehovah? Est-ce que l'Europe va pouvoir s'agenouiller devant ce Jéhovah? Tall buildings. Les grands buildings, les grands bâtiments. And at night they put light, beautiful light. Et les lumières, ils mettent la nuit, c'est très beau. Wonderful, powerful hospitals, universities. Oh, puissant université et hôpitaux. If you're driving on the road and you see the traffic light in the, doing like that. Quand tu vois sur la route les feux de trafic qui te montrent le chemin. The human prosperity. La prospérité de l'humain. Listen to this. Écoutez ceci. When this glory came and stood like this. Quand cette gloire est venue et s'est levée comme cela. In that meeting. Dans cette réunion. This glory, cette gloire, came to rebuke human pride. Est venu pour enlever la gloire de l'homme. Rebuke. Pour châtier la gloire de l'homme, enlever la gloire de l'homme. This glory, cette gloire, came to rebuke human prosperity. Est venu enlever la prospérité de l'homme. This glory, cette gloire, came to rebuke the skyscrapers. Est venu pour enlever the tall buildings, skyscrapers. Les grands buildings. This glory, cette gloire, came to rebuke the human security systems. Est venu rejeter le système de sécurité de l'homme. Human achievement. Les objectifs de l'humain. And to bring them down. Pour qu'il les fasse tomber par terre. That the nations may now worship only Jehovah. Pour que les nations adorent seulement Jéhovah. The tall buildings are not God. They are not God. Les grands bâtiments ne sont pas Dieu. Why do you worship the good roads and the tall buildings and the bridge, beautiful bridges? Pourquoi vous adorez les bonnes routes, les rivières, les bonnes rivières? All the time you are bowing and worshiping, I see you worshiping. Tout le temps que je vous vois adorer, je vous vois dans mes rêves. I see you worshiping good roads. Je vous vois adorer les bonnes routes. And when you see very good roads, quand tu vois une bonne route, no pothole. Il n'y a pas de trou. Very clear. Oh, c'est très clair, très droit. And good lights. Et il y a de belles lumières. You say this must be God. Oh, ça c'est Dieu. And then you worship. Et tu adores. But the Lord has sent me to rebuke you. Et Dieu m'a amené pour châtier cela. To tell you. Pour vous dire that many times you need bad hospitals, bad. Que beaucoup de fois que vous aviez besoin de l'hôpital. With very few doctors, bad doctors. Avec beaucoup de docteurs. You need bad roads with many potholes going like vous, this. Vous avez besoin de mauvaises routes comme au Kenya avec des trous. So that you may worship Jehovah. Pour que vous puissiez adorer Jéhovah. So that you may depend on Jehovah. Pour que vous puissiez vous repentir de Jéhovah. Sometimes you need very bad roads. Parfois vous avez besoin de mauvaises routes. Sometimes we need that so that we may worship the Lord. Parfois on a besoin de cela pour adorer Jéhovah. So that we may not worship the roads. Pour que nous puissions pas adorer les routes. Roads with our rods. So that we may worship the Lord. Pour que nous puissions adorer le Seigneur. Oh yes. Oh oui. Oh, I have come to remove you from worshiping the tall buildings of this city. Je suis venu vous enlever de l'adoration des grands buildings. Big hospitals, you say, if I fall sick, I will les go to the hospital. Ah, si je tombe malade, y a pas de problème, je vais aller à l'hôpital. I come to remove you. I say, no. Je viens vous enlever de cela. Hospital is not God. Hôpital n'est pas Dieu. This is it. Mais when the Lord encounters the church, the truth must be spoken. Mike, c'est ceci. Quand Dieu rencontre l'église, oh, la yes. Vérité doit être parlée. Oh yes. Oh oui. Now you can see. Maintenant vous pouvez voir. That the cloud of the Lord, que la nuée de Dieu, has come to give direction. Est venu pour donner la direction. To give direction to the church in Europe. Pour donner la direction dans l'église en Europe. Now you can see. Maintenant, vous pouvez voir that the cloud, when the cloud went to Israel in the wilderness, quand la nuée est venue dans le désert, the cloud gave Israel direction to the promised land. La nuée a donné la direction aux Israélites à la terre promise. Direction to where the Lord wanted them to reach. La direction là où Dieu voulait les voir atteindre. And here also in the church. Et ici aussi dans l'église. We are now seeing that the church has been lost. Nous voyons maintenant que l'église est perdue. That's why the false prophets came. C'est pour cela que les faux prophètes sont venus. That's why the women came here dressed in mini skirts. C'est pour cela que les femmes viennent avec des mini jupes. So that's why the women come and they are not rebuked. C'est pour cela que les femmes viennent et on doit les châtier. That's why the young men come dressed the way they want, they are not rebuked. Et c'est comme cela que les femmes viennent comme ils veulent, elles s'habillent comme elles veulent, on les châtie pas. That's why there is homosexuality in the church. C'est pour cela qu'il y a l'homosexualité à l'église. That's why there is prostitution in the church. C'est pour cela qu'il y a la prostitution à l'église. Abortions in the church. Avortement à l'église. That's why there is pregnancy outside marriage in the church. C'est pour cela qu'il y a la grossesse en dehors du mariage dans l'église. Meaning the church is lost. Qui veut dire que l'église est perdue. Because the road the church is supposed to follow. Parce que la route que l'église est supposée prendre. It is called the highway of holiness. Est appelée la route de la sanctification. It is in Isaiah chapter 35. C'est dans Ésaïe chapitre 35. Verses 8 to verse 9. De verset 8 à 9. And he says on that highway. Et il dit sur cette autoroute. There will be no ferocious beast. Il n'y aura aucun féroce bête. That will attack the church and eat. Qui va attaquer l'église et manger. They are protected by Jehovah. Ils sont protégés par Jéhovah. So now. So maintenant. Now that we know that the cloud is giving direction. Si on sait maintenant que la nuée donne la direction. And I will just mention this in finishing. Et je vais juste mentionner ceci et finir cela. There is a warning. Il y a un avertissement. Let me give this warning. Laissez-moi donner cet avertissement. Every time the glory of the Lord comes, chaque fois que la gloire descend vient, be careful. Faites attention. Time is over. Ouais, le temps est fini. Every time the glory of the Lord visits, chaque fois que la gloire de Dieu visite, be careful. Faites attention. Time is over. Ouais, le temps est fini. Time is over. Oh, le temps est fini.